DJ Case, voilà, je vous souhaite une excellente année 2015. Bonheur, santé, tout ce qui va avec. Voilà, du rail suprême à fond les manettes. Salut, c'est Fred. Je vous souhaite une très belle année 2015 avec plein de sons dans les oreilles, du bonheur et surtout la santé. Hello l'équipe, j'espère que ça va. Voilà, bon, bah là, on est en vacances, tranquillement. On est sur l'émission numéro 1 orientale de la bande FM en France. Voilà, on est très content, on a passé une année magnifique avec vous. On va la démarrer mortelle. Et là, on vous met un petit best-of sympa avec une émission qui déchire d'une heure. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bis, l'équipe. Enfin, dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Let's go! Point de neuf, la famille, c'est DJ Hamida. Vous êtes bien sur Rail Suprême. Aïe. C'est maudit, j'ai mis les bagages dans l'audit. Je vis sous le ciel gris de Paris, mais je veux la même vue qu'à Bali. Le quotidien m'a rendu écrit. Donc je démarre la caisse, les vitres et les lunettes fumées. Le feu rouge donne toujours une petite pièce. Je débranche Twitter, Facebook, tout ce qui casse la tête. Dans le sud de l'Espagne, je pars faire la sieste. Ne m'appelle pas, je réponds plus. Un peu de weed, un peu de thune, je suis frais, je me fais bronzer les plumes. Je coupe le son et l'image, je fais un bisou au village. Large, j'ai plus de large. C'est par DJ K sur Skyrock. C'est l'ambiance, tout le monde danse sur mon son. C'est le bois des voyous, c'est la fête des gros poissons. Poissons à volonté mais sans alcool. On est plus la dégaine clean, la fête est folle. La dégaine clean des jours de Riajma. Les frelots qui sortent d'une journée de Radma. J'ai ton bleu travail, attrape tes sapotés. Sans les glaces de souliers, le truc trop nez. les frelons sont là. Et pour hier on a mis un gros son de Zona. Bléda, c'est 7, 8, 210 sur les plats. On a des pas de trois roches dans ma traque. Entouré de bonnes équipes, mais tu le sais, Paris c'est trop petit. Pas trop comme un daron qui fume le kiff dans son stop-si. On mélange les cultures et ça plaît même au bab. Alors on remélange, cache le marocain dans le pas au bab. C'est l'ambiance, tout le monde danse sur mon son. C'est le bois des voyous, c'est la fête des gros poissons. Poisson à volonté mais sans alcool. On est plus la dégaine, la fête des folles. C'est l'ambiance, tout le monde danse sur mon son. C'est le bois des voyous, c'est la fête des gros poissons. Poisson à volonté mais sans alcool. On a vu la dégaine, la fête des folles. C'est l'ambiance, tout le monde danse sur mon son. C'est l'ambiance. DJ DJ Supreme. À la place, Rachid Arabe, on ramenait jamais ce qu'on volait à la baraque. Par peur, c'est marave. Des brouillards, plus tout jeune, un gosse du Rachid System. Beurre, et conscient de son potentiel en France. Si facile, se retrouve au head. Halafi, on tremble dans des coups, des trafics. Je suis toujours un petit rêve, mais toujours à l'affût, fils de l'espoir. La débrouillard, il ça. C'est le coup de grippe, Rachid System. Pour ceux qui parlent aux yeux, les adeptes extrêmes. Qui tentent de faire recette, se mangent des coups, se relèvent. Et parfois, c'est fatal, ça semble interminable comme les Jifada. Avec les moyens du bord dans tous les domaines, on a la hache par les draps bientôt. Et si on tourne au vert aux critiques, photo, aussi vrai que j'aime mon pays et que rien ne nous faut. Rachid System, gros. Suprême en direct sur Skyrock. DJ Kate. sur Skyrock. Thank you. Skyrock, Rai Suprême, c'est DJ Case, DJ Case. Nelly, Nelly, Nelly, hold on, hold on. On en est rire, dis, hold on, Nelly, Nelly, Nelly, hold on, hold on. Tu t'as l'air, dis, hold on. Les asks, hold on, dis, ou t'aïe, son, ah, t'es ouïe, hold on. T'aïe, son, ah, t'es ouïe, hold on. Elle vient t'aïe, elle, hold on. Ou t'es là, mon, ah, par ouïe, hold on. Ou t'es là, par ouïe, hold on. Please.

Suprême, mixé par DJ K sur Skyrock. Skyrock, nouveauté. Pas toujours à me montrer, pas toujours à me cacher. Je les écoute pas, ils peuvent toujours me clasher. Putain, c'est oh, je te donne des coups en cachette. Ton meilleur ami peut se trouver derrière la gâchette. Je trouve l'esprit, je fume un peu de hashish. Fais gaffe petit avec des sous attachés. T'as fait gâcher par des bâtiments. Trop de sentiments, le regard vite s'attachète. Je suis pas un sachez-le. Moi j'ai galéré, MBDH, tapez-le. La loi emmerdée là, lui il se montre, regardez-le. Envie d'y mettre des tartes là. Je suis au bled, j'observe la lune de mon matelas. Nous deux à vie c'est terminé. Je te vois t'es triste mais tu parles pas. Je vois tes larmes, me regarde pas. On se fait du mal mais on le sent pas. T'es pas comme moi donc on s'entend pas. comme un bon mami on repeat. On va remettre le soleil sur les visages tristes. Lève-toi homie, bouge-toi homie, appelle tes frères, tes potes et ta lady. This is how we do, tous frères, tous cousins, bienvenue chez nous. On vit le rêve et le désespoir de générations qui bougent la tête courte et on ose croire que le meilleur reste à venir. Accroche-toi, j'ai encore tellement de chance à découvrir. Clap your hands. Habiltini ya amri ya.